C'est demain jeudi, la fête aux souris. Elles vont à Dijon, Dijon est trop petit. Elles vont à Paris, Paris est trop grand. Elles vont à Bordeaux, elles se noient dans l'eau. Dijon, Dijon est trop petit. Elles vont à Paris.